Quand Hulot traversa son salon d'audience, rempli de visiteurs, il y vit dans un coin la figure blême de Marneff, et Marneff fut le premier appelé. « Qu'avez-vous à me demander, mon cher ?» dit le baron en cachant son inquiétude. « Monsieur le directeur, on se moque de moi dans les bureaux, car on vient d'apprendre que monsieur le directeur du personnel est parti ce matin en congé pour raison de santé. Son voyage sera d'environ un mois. Attendre un mois, on sait ce que cela veut dire. Vous me livrez à la risée de mes ennemis, et c'est assez d'être tambouriné d'un côté, les deux à la fois, monsieur le directeur, la caisse peut crever. Mon cher Marneff, il faut beaucoup de patience pour arriver à son but. Vous ne pouvez pas être chef de bureau, si vous l'êtes jamais, avant 2 mois d'ici. Ce n'est pas au moment où je vais être obligé de consolider ma position que je puis demander un avancement scandaleux. Si vous sautez, je ne serai jamais chef de bureau, dit froidement M. Marneff. Faites-moi nommer, il n'en sera ni plus ni moins. Ainsi, je dois me sacrifier à vous, demanda le baron. S'il en était autrement, je perdrais bien des illusions sur vous. Vous êtes par trop Marneff, monsieur Marneff, dit le baron en se levant et montrant la porte au sous-chef. J'ai l'honneur de vous saluer, monsieur le baron, répondit humblement Marneff. Quel infâme drôle, se dit le baron. Ceci ressemble assez à une sommation de payer dans les 24 heures, sous peine d'expropriation.